une peur d'enfant dans un monde pour les grands. Je pleure aux quatre vents, mais où es-tu, maman? Un malaise étrange, une boue, une fange, où sont passés les anges qui bordaient mes langes? Que s'est-il passé après que je sois né? Quel est ce secret qui vient tout détraquer? Une peine immense, un fantôme de l'enfance, fait chavirer ma chance et plier ma confiance. Un vilain bobo dans un monde de salauds. Je porte mon fardeau, je porte le chapeau. Une peur de rien qu'il suffirait de dire. Demain est un jardin, l'avenir un sourire. Demain est un jardin, l'avenir un sourire. Pesanga bolingo, pesanga Vicente Wanga bolingo, amamjan. Vicente, Nakoyemba, Nakobina, dans ce monde de salon, je porte le fardeau, je porte le chapeau. À Vicente, Nakoyemba, Nakobina, Ngola Rumba. Le chapeau est un jardin, Nakobina, l'avenir à sourire. La Vicente est un jardin, bem bem belem bem bem bem, l'avenir à sourire. Ngola rumba est un jardin, pesanga motema, pesanga motema na yo Vicente, amamjam, l'avenir à sourire. Nakoyemba est un jardin, Ngola rumba l'avenir à sourire.